Qu'est-ce que tu penses de son livre ? C'est de loin son meilleur livre. J'ai lu que c'était le livre le plus vendu en France cette année. Ça ne m'étonne pas. Et tu sais s'il est en train d'en écrire un autre ? Je n'en ai pas la moindre idée. Dis-moi, tu aimes bien les romans, non ? C'est ce que j'aime le plus. Pour moi, la pire des choses, c'est de ne pas avoir de bons romans à lire. Oui, pour moi aussi. Je vais le plus souvent possible à la bibliothèque. Je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir de nouveaux livres. Pourtant, la bibliothèque de ma ville n'est pas la plus riche de la région. Je suis d'accord avec toi. Même dans la plus mauvaise bibliothèque de quartier, je trouve toujours quelque chose à mon goût. Et évidemment, le mieux serait de pouvoir acheter les livres. Oui, peut-être. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir en lire, tout simplement.